phénoménal 1. Daddy Yod revient. Gussie pitié toi bien. Lord Delbon, Delbon, Delbon, Delbon. On a reçu à l'est, à l'ouest c'est Delbon. Les gens tombent dehors, les gens tombent de mort. A trop de violence, encore et encore. Et si j'ai pas raison, alors dites-moi que j'ai à tort. La vie je vaux des voix bien plus que de l'or. Ils disent que c'est les blacks qui foutent le Delbon. Ils disent que c'est les arabes qui foutent le Delbon. Le matin, les avions sont moi. Avec tes empires, c'est les informations moi. Ça parle de politique et de pollution moi. Magre financière moi et transactions moi. Oh non, oh sud, c'est la tribulation moi. Car le chômage et le manque d'habitation moi. Parallèlement, c'est installé à l'inflation moi. C'est ma date et y'a que par le soit en reggae ou bien en gospel. J'exprime mes sentiments, les traits naturels. Car le monde change avec des chants culturels. C'est pour ça que j'ai chanté que je suis un rebelle. J'avertis tous ceux qui veulent se battre en duel. Évitez de vous mesurer à des professionnels. Vous risquez de vous faire tuer comme des vélins mortels. Tel, tel, tel bon. Comme ça j'écris à des textes. Car depuis ce temps que la terre est faite, les hommes veulent le pouvoir contrôler la planète. Boum, boum, attentat y a comète. C'est ma dédé, y'a je préfère rester honnête. C'est ma dédé, y'a je préfère rester nénette, nénette. Delbon, Delbon, Delbon, Delbon. Delbon, Delbon, Delbon. Delbon, mais quel Delbon. Delbon, mais quel Delbon. Si dans ce propage dans les nations, ce n'est pas manque d'expérimentation. On a besoin de fric et ça soit l'élection. Chacun qu'on a eu un pour sa malédiction. Pendant longtemps c'était les évasions. Dans Gaza qui c'était les radiations. Je m'en donne des yeux, je donne l'information. Des tremblements de terre, des avant très violents. La pluie qui ravage tout dans des départements. On n'entend même pas les guerres en ce moment. Les régions pour les dégâts, c'est des innocents. C'est ma tête d'hier, j'ai pas intelligemment. Ma, Delbon, Delbon, Delbon, Delbon. Delbon, Delbon, Delbon. Delbon, mais quel Delbon. Delbon, mais quel Delbon. Moi je me demande est-ce qu'on est au Far West. Un événement comme ça, j'écris des textes. Car depuis ce temps que la terre est faite, ils veulent le pouvoir contrôler la planète. Des bombes, mais des attentats y commettent. C'est moi d'un des yeux, je préfère rester net. Je viens ici, je contrôle la discothèque.